le rack répond présent pour parler de ces moments plutôt récents passés dans cette levée. Aujourd'hui au moins 3 piges de ma vie, succès dans Ayomi, j'ai choisi Albi. Et puis ici, tu sais j'y suis pour mes études, la vie est rude, j'ai trop de lassitude dans mon attitude, donc souvent je titube. Mon studio 19 mètres carrés, et à certains je rêve de mettre la tête au carré, carrément, mais je me tiens à carreau ici. Y'a beaucoup moins de touristes, mais beaucoup plus de risques, et moi je rêve de percer, de chanter, mais pas comme assurance Tourix. Y'a beaucoup plus d'MC, de rappeurs, de gars qui font peur. Tu vois des gens en tout genre, des dérangeants et des darmes gens. Les décons sont aussi cons, mais moins présents. Ici leur seul monument, c'est leur cathédrale, leur rue pavée de dalles. Ici quand t'as la dalle, tu vas à Lidl ou Leader. J'te parle en connaisseur la nuit, laisse pas traîner ta sœur dans certains coins. Même si en général ça ne craint point, y'a quand même beaucoup plus de ouf, de gars qui mériteraient des bouffes. Mais t'inquiète, y'a aussi beaucoup de gars bien. Et si je devais tous les citer, je crois qu'ils seraient encore jusqu'à demain. Dans cette ville, t'es ouf d'imposer ton style, je le tente. Et ainsi représente cette ville importante. Et avec plus d'ambiance, mais comme tu l'entends, il n'y a pas tant de différence. Dans cette ville, t'es ouf d'imposer ton style, je le tente. Et ainsi représente cette ville importante. Et avec plus d'ambiance, mais comme tu l'entends, il n'y a pas tant de différence. Les albigeois sont des radins, te font de bises au lieu de trois, ou te serrent la main. Là-bas, j'y vais souvent en train, près de 3 heures, des contrôleurs qui cassent les couilles pour un rien. Ça boit du vin, aux soirées Beaujolais. Bon, j'y vais si c'est pour se mettre la race. À tous mes potos dédicaces, je me remémore les verres qui cassent, les soirées étudiantes, où tu sais jamais à quelle heure tu rentres, car tu rampes. Et devant ta taille de clan, tu campes, dans ton verre, les lèvres, tu trempes. Et c'est y part, un bon départ se fait toujours avec la tease, les deux bises. Et une fois sous l'emprise, ça rigole et ça picole, c'est Albi la nuit. Te souviens-tu l'ami? Faut voir les bons côtés, j'suis pas coté, et finirai sûrement sur le déco ou chez Adéco intérimaire. Mais pour l'instant je place mes verres. Dans cette ville, t'es ouf d'imposer ton style, je le tente. Et ainsi représente cette ville importante. Et avec plus d'ambiance, mais comme tu l'entends, il n'y a pas tant de différence. Dans cette ville, t'es ouf d'imposer ton style, je le tente. Et ainsi représente cette ville importante. Et avec plus d'ambiance, mais comme tu l'entends, il n'y a pas tant de différence. Cette ville n'est pas celle où je suis né, mais je la connais. Des souvenirs gravés, bons ou mauvais, de pures rencontres, et je m'en rends compte. Après, plus rien ne sera pareil. Il ne me reste que des photos de l'appareil. J'ai la paresse en défaut, et des fois je me dis Albi, peut-être les meilleures années de ma vie. Dans cette ville où mon rap décolle, prend son envol, je suis nostalgique de ces années magiques, et retranscris tout ça à l'aide de ma zik. Pour finir, un grand merci à tous ceux présents dans ces moments, et à celle qui m'a supporté dans cet appartement de ce putain de département. 81 Albi, c'est ma ville aussi. Dans cette ville, t'es ouf d'imposer ton style, je le tente. Et ainsi représente cette ville importante. Et avec plus d'ambiance, mais comme tu l'entends, il n'y a pas tant de différence. Dans cette ville, t'es ouf d'imposer ton style, je le tente. Et ainsi représente cette ville importante. Et avec plus d'ambiance, mais comme tu l'entends, il n'y a pas tant de différence. Ouais. Dans cette ville, pour tous les potos de là-bas, je vous oublie pas, hein. LRAC.